authentique, fille un peu rebelle. Je recherche un vrai rebelle. À profond, ses couleurs caramel. Je pas d'un mec toujours stressé, naturellement complexé. De mon côté, je suis assez, ça va aller. Pour revenir à mon homme, plutôt à mon type d'homme, il a du swag, il est stylé. Au gros, ça vaut je peut-être pas, mais le plus beau, y'a pas. Je prends tout chez lui, ses défauts comme ses qualités. J'aime tout chez mon papa, chez mon papa. Je ne m'en cache pas, j'aime tout, j'ai mon baby boy. J'ai mon boy, comme mon bad boy. J'ai mon bad boy. J'aime tout, j'ai mon bad boy. J'aime tout, j'ai mon bad boy. J'aime tout, j'ai mon bad boy. Je kiffe auprès de lui, ma body story. Ce n'est pas qu'une histoire de fesses, easy love story. Baby, j'ai fait de toi ma success story. Success.